Voici les derniers jours de Toussaint l'ouverture. Enfin, presque. Malgré ce titre, et sans vouloir vous abuser, des derniers jours de Toussaint l'ouverture, on ne dira ici que fort peu de choses. Que dire, en effet, de l'agonie d'un prisonnier d'État, tenu au secret, cloîtré, prostré, s'éteignant à petit feu, ou plutôt à grand froid, lentement pénétré de la froidure mortelle des pierres du fort de Joux. D'autres avaient ici bien plus leur mot à dire. Ils savaient quels esprits convoquaient sa fièvre, quels fantômes appelaient ses peurs, quels paysages enluminaient ses rêves. Messieurs Aimé Césaire, Édouard Glissant, écrivain, poète, homme de lettres noires, homme de lettres noires. N'étant ni noir, ni homme de lettres, et ne partageant avec eux que d'être homme, frère humain, j'ai craint, en me saisissant du personnage de Toussaint, de l'emmener malgré moi dans les filets de mon imagination, comme à fond de cale d'un bateau négrier. Ne dit-on pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions? Alors, Toussaint restera entre quatre murs, et nous resterons de l'autre côté. Ainsi, rendu muet et invisible comme l'histoire l'a voulu, il sera, vous vous en doutez, toujours présent, ombre au cœur de l'ombre, étoile noire révélant de sa singulière lumière le monde autour de lui, comme le négatif d'une photo où les poses se prennent, les traits s'accusent, les rictus se figent. Il sera silence assourdissant, question muette, trou noir absorbant toutes les énergies des personnages, les vôtres peut-être, pour rendre ou pas une forme nouvelle à la vie. Il sera là, au cœur des pierres, et petit à petit, au cœur de pierre.